Section 2 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Première partie. Livre 2e. La corvette Claymore. Chapitre 1. Angleterre et France mêlées. Au printemps de 1793, au moment où la France, attaquée à la fois à toutes ses frontières, avait la pathétique distraction de la chute des Girondins, voici ce qui se passait dans l'archipel de la Manche. Un soir, le 1er juin, à Jersey, dans la petite baie déserte de Bonne Nuit, une heure environ avant le coucher du soleil, par un de ces temps brumeux qui sont commodes pour s'enfuir, parce qu'ils sont dangereux pour naviguer, une corvette mettait à la voile. Ce bâtiment était monté par un équipage français, mais faisait partie de la flottille anglaise placée en station et comme en sentinelle à la pointe orientale de l'île. Le prince de la Tour d'Auvergne, qui était de la maison de Bouillon, commandait la flottille anglaise, et c'était par ses ordres et pour un service urgent et spécial que la corvette en avait été détachée. Cette corvette, immatriculée à la Trinity House sous le nom de « The Claymore », était en apparence une corvette de charge, mais en réalité une corvette de guerre. Elle avait la lourde et pacifique allure marchande. Il ne fallait pas s'y fier pourtant. Elle avait été construite à deux fins, ruse et force. Tromper s'il est possible, combattre s'il est nécessaire. Pour le service qu'elle avait à faire cette nuit-là, le chargement avait été remplacé dans l'entrepont par 30 caronades de fort calibre. Ces 30 caronades, soit qu'on prévit une tempête, soit plutôt qu'on voulut donner une figure débonnaire au navire, étaient à la serre, c'est-à-dire fortement amarrée en dedans par de triples chaînes et la volée appuyée aux écoutilles tamponnées. Rien ne se voyait au dehors. Les sabords étaient aveuglés, les panneaux étaient fermés. C'était comme un masque mis à la corvette. Ces caronades étaient à roues de bronze à rayons, ancien modèle dit modèle radié. Les corvettes d'ordonnance n'ont de canon que sur le pont. Celle-ci, faite pour la surprise et l'embûche, était un pont désarmé et avait été construite de façon à pouvoir porter, comme on vient de le voir, une batterie d'entrepont. La Claymore était d'un gabarit massif et trapu, et pourtant bonne marcheuse. C'était la coque la plus solide de toute la marine anglaise, et au combat elle valait presque une frégate. Quoiqu'elle n'eût pour mât d'artimon qu'un mâtereau, avec une simple brigantine. Son gouvernail, de forme rare et savante, avait une membrure courbe, presque unique, qui avait coûté 50 livres sterling dans les chantiers de Southampton. L'équipage, tout français, était composé d'officiers émigrés et de matelots déserteurs. Ces hommes étaient triés. Pas un qui ne fût bon marin, bon soldat et bon royaliste. Ils avaient le triple fanatisme du navire, de l'épée et du roi. Un demi-bataillon d'infanterie de marine, pouvant au besoin être débarqué, était amalgamé à l'équipage. La corvette Claymore avait pour capitaine un chevalier de Saint-Louis, le comte du Bois-Berthelot, un des meilleurs officiers de l'ancienne marine royale, pour second, le chevalier de la Vieux-Ville, qui avait commandé aux gardes françaises la compagnie où Hoche avait été sergent, et pour pilote le plus sagace patron de Jersey, Philippe Gascoigne. On devinait que ce navire avait à faire quelque chose d'extraordinaire. Un homme en effet venait de s'y embarquer, qui avait tout l'air d'entrer dans une aventure. C'était un haut vieillard, droit et robuste, à figure sévère, dont il lui était difficile de préciser l'âge, parce qu'il semblait à la fois vieux et jeune, un de ces hommes qui sont pleins d'années et pleins de force, qui ont des cheveux blancs sur le front et un éclair dans le regard. 40 ans pour la vigueur et 80 ans pour l'autorité. Au moment où il était monté sur la corvette, son manteau de mer s'était entrouvert et on avait pu le voir vêtu, sous ce manteau, de larges braies, dites « ragoubras », de bottes jambières et d'une veste en peau de chèvre montrant en dessus le cuir passementé de soie et, en dessous, le poil hérissé et sauvage, costume complet du paysan breton. Ses anciennes vestes bretonnes étaient à deux fins, servaient aux jours de fête comme aux jours de travail et se retournaient, offrant à volonté le côté velu et le côté brodé. Peau de bête toute la semaine, habit de gala le dimanche. Le vêtement de paysan que portait ce vieillard était, comme pour ajouter une vraisemblance cherchée et voulue, usé aux genoux et aux coudes, et paraissait avoir été longtemps porté, et le manteau de mer, de grosse étoffe, ressemblait à un haillon de pêcheur. Ce vieillard avait sur la tête le chapeau rond du temps, à haute forme et à large bord, qui, rabattu, à l'aspect campagnard, et relevé d'un côté par une ganse à cocarde, à l'aspect militaire. Il portait ce chapeau rabaissé à la paysanne, sans ganse ni cocarde. Lord Balcarras, gouverneur de l'île, et le prince de la Tour d'Auvergne l'avaient en personne conduit et installé à bord. L'agent secret des princes, Gélambre, ancien garde du corps de M. le comte d'Artois, avait lui-même veillé à l'aménagement de sa cabine, poussant le soin et le respect, quoique fort bon gentilhomme, jusqu'à porter derrière ce vieillard sa valise. En le quittant pour retourner à terre, M. de Gélambre avait fait à ce paysan un profond salut. Lord Balcarras lui avait dit « Bonne chance, général !» et le prince de la Tour d'Auvergne lui avait dit « Au revoir, mon cousin !» Le « paysan », c'était en effet le nom sous lequel les gens de l'équipage s'étaient mis tout de suite à désigner leurs passagers, dans les courts dialogues que les hommes de mer ont entre eux. Mais, sans en savoir plus long, ils comprenaient que ce paysan n'était pas plus un paysan que la corvette de guerre n'était une corvette de charge. Il y avait peu de vent. La Clémore quitta Bonne Nuit, passa devant Boulay Bay, et fut quelque temps en vue, courant débordé. Puis, elle décrut dans la nuit croissante et s'effaça. Une heure après, Gélambre, rentré chez lui à Saint-Hélier, expédia par l'express de Southampton à M. le comte d'Artois, au quartier général du duc d'York, les quatre lignes qui suivent. « Monseigneur, le départ vient d'avoir lieu. Succès certain. Dans 8 jours, toute la côte sera en feu, de Granville à Saint-Malo. » 4 jours auparavant, par émissaire secret, le représentant prieur de la Marne, en mission près de l'armée des côtes de Cherbourg et, momentanément en résidence à Granville, avait reçu, écrit de la même écriture que la dépêche précédente, le message qu'on va lire. « Citoyen représentant, le 1er juin, à l'heure de la marée, la corvette de guerre Clémore, à batterie masquée, appareillera pour déposer sur la côte de France un homme dont voici le signalement. Haute taille, vieux, cheveux blancs, habit de paysan, main d'aristocrate. Je vous enverrai demain plus de détails. Il débarquera le 2 au matin. Avertissez la croisière. Capturez la corvette. Faites guillotiner l'homme. » Chapitre 2. Nuit sur le navire et le passager. La corvette, au lieu de prendre par le sud et de se diriger vers Sainte-Catherine, avait mis le cap au nord, puis avait tourné à l'ouest et s'était résolument engagé entre Cerques et Jersey, dans le bras de mer qu'on appelle le passage de la Déroute. Il n'y avait alors de phare sur aucun point de ces deux côtes. Le soleil s'était bien couché. La nuit était noire, plus qu'une leçon d'ordinaire la nuit d'été. C'était une nuit de lune, mais de vastes nuages, plutôt de l'équinoxe que du solstice, plafonnaient le ciel, et, selon toute apparence, la lune ne serait visible que lorsqu'elle toucherait l'horizon, au moment de son coucher. Quelques nuées pendaient jusque sur la mer et la couvraient de brume. Toute cette obscurité était favorable. L'intention du pilote Gascoigne était de laisser Jersey à gauche et Guernsey à droite, et de gagner, par une marche hardie entre les Hanois et les Douvres, une bas quelconque du littoral de Saint-Malo. Route moins courte que par les Minquiers, mais plus sûre, la croisière française ayant pour consigne habituelle de faire surtout le guet entre Saint-Hélier et Granville. Si le vent s'y prêtait, si rien ne survenait, et en couvrant la corvette de toile, Gascoigne espérait toucher la côte de France au point du jour. Tout allait bien. La corvette venait de dépasser Gronée. Vers 9 heures, le temps fit mine de bouder, comme disent les marins. Il y eut du vent et de la mer. Mais ce vent était bon, et cette mer était forte, sans être violente. Pourtant, à de certains coups de lame, l'avant de la corvette embarquait. Le paysan, que Lord Balcarras avait appelé « général » et auquel le prince de la Tour d'Auvergne avait dit « mon cousin », avait le pied marin et se promenait avec une gravité tranquille sur le pont de la corvette. Il n'avait pas l'air de s'apercevoir qu'elle était fort secouée. De temps en temps, il tirait de la poche de sa veste une tablette de chocolat dont il cassait et mâchait un morceau, ses cheveux blancs n'empêchant pas qu'il eût toutes ses dents. Il ne parlait à personne, si ce n'est par instant, bas et brièvement, au capitaine, qu'il écoutait avec déférence et semblait considérer ce passager comme plus commandant que lui-même. La Clémore, habilement pilotée, côtoya inaperçue dans le brouillard le long escarpement nord de Jersey, serrant de près la côte à cause du redoutable écueil Pierre de Licque qui est au milieu du bras de mer entre Jersey et Cerques. Gascoigne, debout à la barre, signalant tour à tour la grève de Licque, Gronée, Plémont, faisait glisser la corvette parmi ses chaînes de récifs en quelque sorte à tâtons, mais avec certitude, comme un homme qui est de la maison et qui connaît les êtres de l'océan. La corvette n'avait pas de feu à l'avant, de crainte de dénoncer son passage dans ces mers surveillées. On se félicitait du brouillard. On atteignit la grande étape. La brume était si épaisse qu'à peine distinguait-on la haute silhouette du pinacle. On entendit 10 heures sonner au clocher de Saint-Ouen, signe que le vent se maintenait vent arrière. Tout continuait d'aller bien. La mer devenait plus houleuse à cause du voisinage de la Corbière. Un peu après 10 heures, le comte du Bois Berthelot et le chevalier de la Vieuville reconduisirent l'homme aux habits de paysan jusqu'à sa cabine, qui était la propre chambre du capitaine. Au moment d'y entrer, il leur dit, en baissant la voix, « Vous le savez, messieurs, le secret importe. Silence jusqu'au moment de l'explosion. Vous seuls connaissez ici mon nom. Nous l'emporterons au tombeau, » répondit Bois Berthelot. « Quant à moi, » repartit le vieillard, « fussé-je devant la mort, je ne le dirai pas. » Et il entra dans sa chambre. Chapitre 3. Noblesse et roture mêlées. Le commandant et le second remontèrent sur le pont et se mirent à marcher côte à côte en causant. Ils parlaient évidemment de leurs passagers, et voici à peu près le dialogue que le vent dispersait dans les ténèbres. Bois Berthelot grommela à demi-voix, à l'oreille de la Vieuville. « Nous allons voir si c'est un chef. » La Vieuville répondit. « En attendant, c'est un prince. Presque. Gentilhomme en France, mais prince en Bretagne. Comme les La Trémoille, comme les Rohan, dont il est l'allié. » Bois Berthelot reprit. « En France et dans les carrosses du roi, il est marquis comme je suis comte, et comme vous êtes chevalier. »« Ils sont loin, les carrosses !» s'écria la Vieuville. « Nous en sommes au tombereau !» Il y eut un silence. Bois Berthelot repartit. « À défaut d'un prince français, on prend un prince breton. Faute de grive, non, faute d'un aigle, on prend un corbeau. J'aimerais mieux un vautour, dit Bois Berthelot. » Et la Vieuville répliqua. « Certes, un bec et des griffes. Nous allons voir. »« Oui, reprit la Vieuville. Il est temps qu'il y ait un chef. Je suis de l'avis de Tintaignac. Un chef et de la poudre. Tenez, commandant, je connais à peu près tous les chefs possibles et impossibles. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Pas un n'est la caboche de guerre qu'il nous faut. Dans cette diable de Vendée, il faut un général qui soit en même temps un procureur. Il faut ennuyer l'ennemi, lui disputer le moulin, le buisson, le fossé, le caillou, lui faire de mauvaises querelles, tirer parti de tout, veiller à tout, massacrer beaucoup, faire des exemples, n'avoir ni sommeil, ni pitié. À cette heure, dans cette armée de paysans, il y a des héros, il n'y a pas de capitaine. Delbé est nul, Lescure est malade, Bonchamp fait grâce, il est bon, c'est bête. La Roche-Jacquelin est un magnifique sous-lieutenant, Sils est un officier de race campagne, impropre à la guerre d'expédients, Catelineau est un chartier naïf, Stofflet est un garde-chasse rusé, Bérard est inepte, Boulainvilliers est ridicule, Charette est horrible, et je ne parle pas du barbier Gaston, car, mort de Montbleu, à quoi bon chamailler la Révolution, et quelle différence y a-t-il entre les Républicains et nous, si nous faisons commander les gentilshommes par les perruquiers? C'est que cette chienne de Révolution nous gagne, nous aussi. Une galque à la France. Galque du tiers-état, reprit Bois Berthelot. L'Angleterre seule peut nous tirer de là. Elle nous en tirera, n'en doutez pas, capitaine. En attendant, c'est laid. Certes, des manants partout. La monarchie qui a pour général en chef Stofflet, garde-chasse et monsieur de Montlevrier, n'a rien à envier à la République qui a pour ministre Pache, fils du portier du duc de Castries. Quel vis-à-vis que cette guerre de la Vendée. D'un côté, Santerre le Brasseur, de l'autre, Gaston le Merlan. Mon cher La Vieuville, je fais un certain cas de ce Gaston. Il n'a point mal agi dans son commandement de Guéméné. Il a gentiment arquebusé 300 bleus, après leur avoir fait creuser leur fosse par eux-mêmes. À la bonne heure, mais je l'eusse fait tout aussi bien que lui. Par Dieu, sans doute, et moi aussi. Les grands actes de guerre, reprit La Vieuville, veulent de la noblesse, dans qui les accomplit. Ce sont choses de chevalier et non de perruquier. Il y a pourtant en ce tiers-état, répliqua Bois Berthelot, des hommes estimables. Tenez, par exemple, cet horloger joli. Il avait été sergent au régiment de Flandre. Il se fait chef vendéen, il commande une bande de la côte. Il a un fils qui est républicain, et pendant que le père sert dans les blancs, le fils sert dans les bleus. Rencontre, bataille, le père fait prisonnier son fils et lui brûle la cervelle. Celui-là est bien, dit la Vieuville. Un Brutus royaliste, reprit Bois Berthelot. Cela n'empêche pas qu'il est insupportable d'être commandé par un Coquereau, un Jean-Jean, un Moulin, un Focard, un Bouju, un Choupe. Mon cher chevalier, la colère est la même de l'autre côté. Nous sommes pleins de bourgeois, ils sont pleins de nobles. Croyez-vous que les sans-culottes soient contents d'être commandés par le comte de Canclos, le vicomte de Miranda, le vicomte de Beauharnais, le comte de Valence, le marquis de Custine et le duc de Biron? Quel gâchis! Et le duc de Chartres? Fils d'égalité! Ah ça, quand sera-t-il roi, celui-là? Jamais! Il monte au trône, il est servi par ses crimes, et desservi par ses vices, dit Bois Berthelot. Il y eut encore un silence, et Bois Berthelot poursuivit. Il avait pourtant voulu se réconcilier. Il était venu voir le roi, j'étais là, à Versailles, quand on lui a craché dans le dos. Du haut du grand escalier ? Oui, on a bien fait. Nous l'appelions Bourbon le Bourbeux. Il est chauve, il a des pustules, il est régicide, pouah ! Et la Vieuville ajouta, moi, j'étais à Ouessant avec lui. Sur le Saint-Esprit ? Oui. S'il lui obéit au signal de tenir le vent que lui faisait l'amiral d'Orvilliers, il empêchait les Anglais de passer. Certes, est-il vrai qu'il se soit caché à fond de cale ? Non, mais il faut le dire tout de même. Et la Vieuville éclata de rire. Bois Berthelot repartit. Il y a des imbéciles. Tenez, ce Boulainvilliers dont vous parliez, la Vieuville, je l'ai connu, je l'ai vu de près. Au commencement, les paysans étaient armés de piques. Ne s'étaient-ils pas fourrés dans la tête d'en faire des piquiers ? Il voulait leur apprendre l'exercice de la pique en biais et de la pique traînante le fer devant. Il avait rêvé de transformer ces sauvages en soldats de ligne. Il prétendait leur enseigner à émousser les angles d'un carré et à faire des bataillons à centre vide. Il leur baragouinait la vieille langue militaire. Pour dire un chef d'escouade, il disait un cap d'escadre, ce qui était l'appellation des caporaux sous Louis XIV. Il s'obstinait à créer un régiment avec tous ses braconniers. Il avait des compagnies régulières, dont les sergents se rangeaient en rond tous les soirs, recevant le mot et le contre-mot du sergent de la colonelle, qui les disait tout bas au sergent de la lieutenance, lequel les disait à son voisin, qui les transmettait au plus proche, et, ainsi d'oreille en oreille, jusqu'au dernier. Il cassa un officier qui ne s'était pas levé tête nue pour recevoir le mot d'ordre de la bouche du sergent. Vous jugez comme cela a réussi. Ce butor ne comprenait pas que les paysans voulaient être menés à la paysanne, et qu'on ne fait pas des hommes de caserne avec des hommes des bois. Oui, j'ai connu ce Boulainvilliers-là. Il fit quelques pas, chacun songeant de son côté. Puis la causerie continua. À propos, se confirme-t-il que Dampierre soit tué ? Oui, commandant. Devant Condé, au camp de Pamard, d'un boulet de canon. Boisthelot soupira. Le comte de Dampierre, encore un des nôtres qui était des leurs. Bon voyage, dit la Vieuville. Et mesdames, où sont-elles ? À Trieste. Toujours ? Toujours. Et la Vieuville s'écria. Ah, cette République, que de dégâts pour peu de choses. Quand on pense que cette révolution est venue pour un déficit de quelques millions, se défier des petits points de départ, dit Boisberthelot. Tout va mal, reprit la Vieuville. Oui, la Rouarie est mort, Dudrenet est idiot. Quel triste meneur de tous ces évêques, ce Coucy, l'évêque de La Rochelle, ce Beaupoil Saint-Aulaire, l'évêque de Poitiers, ce Merci, l'évêque de Luçon, amant de Madame de l'Échasserie, laquelle s'appelle Servanteau. Vous savez, commandant, l'Échasserie est un nom de terre. Et ce faux évêque d'Agra qui est curé de je ne sais quoi. De Dole. Il s'appelle Guillot de Folleville. Il est brave, du reste, et se bat. Des prêtres, quand il faudra des soldats. Des évêques qui ne sont pas des évêques. Des généraux qui ne sont pas des généraux. La Vieuville interrompit Boisberthelot. Commandant, vous avez le moniteur dans votre cabine ? Oui. Qu'est-ce donc qu'on joue à Paris dans ce moment-là ? Adèle et Paulin et la caverne. Je voudrais voir ça. Vous le verrez, nous serons à Paris dans un mois. Berthelot réfléchit un moment et ajouta. Au plus tard, Monsieur Windham l'a dit à Milord Hood. Mais alors, commandant, tout ne va pas si mal. Tout irait bien, parbleu, à la condition que la guerre de Bretagne fût bien conduite. La Vieuville hocha la tête. Commandant, reprit-il, débarquerons-nous l'infanterie de marine ? Oui, si la côte est pour nous. Non, si elle est hostile. Quelquefois il faut que la guerre enfonce les portes, quelquefois il faut qu'elle se glisse. La guerre civile doit toujours avoir dans sa poche une fausse clé. On fera le possible. Ce qui importe, c'est le chef. Et Boisberthelot, pensif, ajouta. La Vieuville, que penseriez-vous du chevalier de Dieuzy ? Du jeune ? Oui. Pour commander ? Oui. Que c'est encore un officier de plaine et de bataille rangée. La broussaille ne connaît que le paysan. Alors, résignez-vous au général Stofflet et au général Catlinot. La Vieuville rêva un moment et dit. Il faudrait un prince. Un prince de France, un prince du sang, un vrai prince. Pourquoi ? Qui dit prince, dit poltron, je le sais, commandant. Mais c'est pour l'effet sur les gros yeux bêtes des gars. Mon cher chevalier, les princes ne veulent pas venir. On s'en passera. Boisberthelot fit ce mouvement machinal qui consiste à se presser le front avec la main, comme pour en faire sortir une idée. Il reprit. Enfin, essayons de ce général-ci. C'est un grand gentilhomme. Croyez-vous qu'il suffira ? Pourvu qu'il soit bon, dit la Vieuville. « C'est-à-dire féroce, » dit Boisberthelot. Le comte et le chevalier se regardèrent. « Monsieur du Boisberthelot, vous avez dit le mot. Féroce. Oui, c'est là ce qu'il nous faut. Ceci est la guerre sans miséricorde. L'heure est au sanguinaire. Les régicides ont coupé la tête à Louis XVI. Nous arracherons les quatre membres aux régicides. Oui, le général nécessaire et le général inexorable. Dans l'Anjou, et dans le Haut-Poitou, les chefs font les magnanimes. On patauge dans la générosité, rien ne va. Dans le Marais et dans le pays de Retz, les chefs sont atroces, tout marche. C'est parce que Charette est féroce qu'il tient tête à Parrain, hyène contre hyène. Bois Berthelot n'eut pas le temps de répondre à la Vieuville. La Vieuville eut la parole brusquement coupée par un cri désespéré, et en même temps on a entendu un bruit qui ne ressemblait à aucun des bruits qu'on entend. Ce cri et ces bruits venaient du dedans du navire. Le capitaine et le lieutenant se précipitèrent vers l'entrepont, mais ne purent y entrer. Tous les canonniers remontaient éperdus. Une chose effrayante venait d'arriver. Chapitre 4. Tormentum belli. Une des caronades de la batterie, une pièce de 24, s'était détachée. Ceci est le plus redoutable peut-être des événements de mer. Rien de plus terrible ne peut arriver à un navire de guerre au large et en pleine marche. Un canon qui casse son amarre devient brusquement on ne sait quelle bête surnaturelle. C'est une machine qui se transforme en un monstre. Cette masse court sur ses roues, a des mouvements de billes de billard, penche avec le roulis, plonge avec le tangage, va, vient, s'arrête, paraît méditer, reprend sa course, traverse comme une flèche le navire d'un bout à l'autre, pirouette, se dérobe, s'évade, se cabre, heurte, ébrèche, tue, extermine. C'est un bélier qui bat à sa fantaisie une muraille. Ajoutez ceci, le bélier est de fer, la muraille est de bois. C'est l'entrée en liberté de la matière. On dirait que cet esclave éternel se venge. Il semble que la méchanceté qui est dans ce que nous appelons les objets inertes sorte et éclate tout à coup. Cela a l'air de perdre patience et de prendre une étrange revanche obscure. Rien de plus inexorable que la colère de l'inanimé. Ce bloc forcené a les sauts de la panthère, la lourdeur de l'éléphant, l'agilité de la souris, l'opiniâtreté de la cognée, l'inattendu de la houle, les coups de coude de l'éclair, la surdité du sépulcre. Il pèse 10 000 et il ricoche comme une balle d'enfant. Ce sont des tournoiements brusquement coupés dans le droit. Et que faire? Comment en venir à bout? Une tempête cesse, un cyclone passe, un vent tombe, un mât brisé se remplace, une voie d'eau se bouche, un incendie s'éteint. Mais que devenir avec cette énorme brute de bronze? De quelle façon s'y prendre? Vous pouvez raisonner un dogue, étonner un taureau, fasciner un boa, effrayer un tigre, attendrir un lion. Aucune ressource avec ce monstre, un canon lâché. Vous ne pouvez pas le tuer, il est mort, et en même temps il vit. Il vit d'une vie sinistre qui lui vient de l'infini. Il a sous lui son plancher qui le balance. Il est remué par le navire, qui est remué par la mer, qui est remué par le vent. Cet exterminateur est un jouet. Le navire, les flots, les souffles, tout cela le tient. De là sa vie affreuse. Que faire à cet engrenage? Comment entraver ce mécanisme monstrueux du naufrage? Comment prévoir ses allées et venues, ses retours, ses arrêts, ses chocs? Chacun de ses coups au bordage peut défoncer le navire. Comment deviner ses affreux méandres? On a affaire à un projectile qui se ravise, qui a l'air d'avoir des idées et qui change à chaque instant de direction. Comment arrêter ce qu'il faut éviter? L'horrible canon se démène, avance, recule, frappe à droite, frappe à gauche, fuit, passe, déconcerte l'attente, broie l'obstacle et écrase les hommes comme des mouches. Toute la terreur de la situation est dans la mobilité du plancher. Comment combattre un plan incliné qui a des caprices? Le navire a, pour ainsi dire, dans le ventre, la foudre prisonnière qui cherche à s'échapper. Quelque chose comme un tonnerre roulant sur un tremblement de terre. En un instant, tout l'équipage fut sur pied. La faute était au chef de pièce qui avait négligé de serrer l'écrou de la chaîne d'amarrage et mal entravé les 4 roues de la caronade, ce qui donnait du jeu à la semelle et au châssis, désaccordait les 2 plateaux et avait fini par disloquer la brague. Le comblon s'était cassé, de sorte que le canon n'était plus ferme à l'affût. La brague fixe, qui empêche le recul, n'était pas encore en usage à cette époque. Un paquet de mer étant venu frapper le sabord, la caronade mal amarrée avait reculé et brisé sa chaîne et s'était mise à errer formidablement dans l'entrepont. Qu'on se figure, pour avoir une idée de ce glissement étrange, une goutte d'eau courant sur une vitre. Au moment où la mare cassa, les canonniers étaient dans la batterie, les uns groupés, les autres épars, occupés aux ouvrages de mer que font les marins en prévoyance d'un branle-bas de combat. La caronade, lancée par le tangage, fit une trouée dans ce tas d'armes et en écrasa 4 du premier coup. Puis, reprise et décochée par le roulis, elle coupa en 2 un 5e misérable et alla heurter à la muraille de bâbord une pièce de la batterie qu'elle démonta. De là, le cri de détresse qu'on venait d'entendre. Tous les hommes se pressèrent à l'escalier échelle. La batterie se vida en un clin d'œil. L'énorme pièce avait été laissée seule. Elle était livrée à elle-même, elle était sa maîtresse. et la maîtresse du navire. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Tout cet équipage accoutumé à rire dans la bataille tremblait. Dire l'épouvante est impossible. Le capitaine Boisberthelot et le lieutenant Lavieuville, deux intrépides pourtant, s'étaient arrêtés au haut de l'escalier et, muets, pâles, hésitants, regardaient dans l'entrepont. Quelqu'un les écarta du coude et descendit. C'était leur passager, le paysan, l'homme dont ils venaient de parler le moment d'auparavant. Arrivé au bas de l'escalier échelle, il s'arrêta. Chapitre 5. Vis et vire. Le canon allait et venait dans l'entrepont. On eût dit le chariot vivant de l'Apocalypse. Le falot de marine, oscillant sous l'étrave de la batterie, ajoutait à cette vision un vertigineux balancement d'ombre et de lumière. La forme du canon s'effaçait dans la violence de sa course, et il apparaissait, tantôt noir dans la clarté, tantôt reflétant de vagues blancheurs dans l'obscurité. Il continuait l'exécution du navire. Il avait déjà fracassé 4 autres pièces et fait dans la muraille 2 crevasses, heureusement au-dessus de la flottaison, mais par où l'eau entrerait s'il survenait une bourrasque. Il se ruait frénétiquement sur la membrure. Les porcs, très robustes, résistaient. Les bois courbes ont une solidité particulière. Mais on entendait leur craquement sous cette massue démesurée, frappant avec une sorte d'ubiquité inouïe de tous les côtés à la fois. Un grain de plomb secoué dans une bouteille n'a pas des percussions plus insensées et plus rapides. Les 4 roues passaient et repassaient sur les hommes tués, les coupaient, les dépeçaient et les déchiquetaient. Et des 5 cadavres avaient fait 20 tronçons qui roulaient à travers la batterie. Les têtes mortes semblaient crier. Des ruisseaux de sang se tordaient sur le plancher, selon les balancements du roulis. Le vaigrage, avarié en plusieurs endroits, commençait à s'entrouvrir. Tout le navire était plein d'un bruit monstrueux. Le capitaine avait promptement repris son sang-froid et, sur son ordre, on avait jeté par le carré, dans l'entrepont, tout ce qui pouvait amortir et entraver la course effrénée du canon. Les matelas, les hamacs, les rechanges de voiles, les rouleaux de cordage, les sacs d'équipage et les ballots de faux assignats, dont la corvette avait tout un chargement, cette infamie anglaise étant regardée comme de bonne guerre. Mais que pouvaient faire ces chiffons? Personne n'osant descendre pour les disposer comme il eût fallu. En quelques minutes, ce fut de la charpie. Il y avait juste assez de mer pour que l'accident fût aussi complet que possible. Une tempête eût été désirable, elle eût peut-être dû buter le canon, et, une fois les 4 roues en l'air, on n'eût pu s'en rendre maître. Cependant, le ravage s'aggravait. Il y avait des écorchures et même des fractures aux mâts qui, emboîtées dans la charpente de la quille, traversent les étages des navires et y font comme de gros pilierons. Sous les frappements convulsifs du canon, le mât de misaine s'était lézardé. Le grand mât lui-même était entamé. La batterie se disloquait. 10 pièces sur 30 étaient hors de combat. Les brèches au bordage se multipliaient et la corvette commençait à faire haut. Le vieux passager, descendu dans l'entrepont, semblait un homme de pierre au bas de l'escalier. Il jetait sur cette dévastation un œil sévère. Il ne bougeait point. Il paraissait impossible de faire un pas dans la batterie. Chaque mouvement de la caronade en liberté ébauchait l'effondrement du navire. Encore quelques instants et le naufrage était inévitable. Il fallait périr ou couper court au désastre, prendre un parti. Mais lequel? Quelle combattante que cette caronade! Il s'agissait d'arrêter cette épouvantable folle. Il s'agissait de colter cet éclair. Il s'agissait de terrasser cette foudre. Boisberthelot dit à Lavieuville. « Croyez-vous en Dieu, chevalier ?» Lavieuville répondit. « Oui, non, quelquefois. Dans la tempête, oui, et dans des moments comme celui-ci. Il n'y a en effet que Dieu qui puisse nous tirer de là, » dit Boisberthelot. Tous se taisaient, laissant la caronade faire son fracas horrible. Du dehors, le flot battant le navire répondait au choc du canon par des coups de mer. On eût dit 2 marteaux alternants. Tout à coup, dans cette espèce de cirque inabordable où bondissait le canon échappé, on vit un homme apparaître, une barre de fer à la main. C'était l'auteur de la catastrophe, le chef de pièce coupable de négligence et cause de l'accident, le maître de la caronade. Ayant fait le mal, il voulait le réparer. Il avait empoigné une barre d'aspect d'une main, une drosse à nœud coulant de l'autre main, et il avait sauté par le carré dans l'entrepont. Alors une chose farouche commença, spectacle titanique, le combat du canon contre le canonnier. La bataille de la matière et de l'intelligence, le duel de la chose contre l'homme. L'homme s'était posté dans un angle et, sa barre et sa corde dans ses 2 poings, adossé à une porte, affermi sur ses jarrets qui semblaient 2 piliers d'acier, livide, calme, tragique, comme enraciné dans le plancher, il attendait. Il attendait que le canon passât près de lui. Le canonnier connaissait sa pièce et il lui semblait qu'elle devait le connaître. Il vivait depuis longtemps avec elle. Que de fois il lui avait fourré la main dans la gueule. C'était son monstre familier. Il se mit à lui parler, comme à son chien. « Viens !» disait-il. Il l'aimait peut-être. Il paraissait souhaiter qu'elle vînt à lui. Mais venir à lui, c'était venir sur lui. Et alors il était perdu. Comment éviter l'écrasement? Là était la question. Tous regardaient, terrifiés. Pas une poitrine ne respirait librement, excepté peut-être celle du vieillard qui était seul dans l'entrepont avec les deux combattants. Témoin sinistre. Il pouvait lui-même être broyé par la pièce. Il ne bougeait pas. Sous eux, le flot, aveugle, dirigeait le combat. Au moment où, acceptant ce corps à corps effroyable, le canonnier vint provoquer le canon, un hasard des balancements de la mer fut que la caronade demeura un moment immobile et comme stupéfaite. « Viens donc !» lui disait l'homme. Elle semblait écouter. Subitement, elle sauta sur lui. L'homme esquiva le choc. La lutte s'engagea, lutte inouïe, le fragile se colletant avec l'invulnérable, le belluaire de chair attaquant la bête d'airain. D'un côté une force, de l'autre une âme. Tout cela se passa dans une pénombre. C'était comme la vision indistincte d'un prodige. Une âme, chose étrange, on eût dit que le canon en avait une lui aussi. Mais une âme de haine et de rage. Cette cécité paraissait avoir des yeux. Le monstre avait l'air de guetter l'homme. Il y avait, on l'eût pu croire du moins, de la ruse dans cette masse. Elle aussi choisissait ce moment. C'était on ne sait quel gigantesque insecte de fer, ayant ou semblant avoir une volonté de démon. Par moments, cette sauterelle colossale cognait le plafond bas de la batterie. Puis, elle retombait sur ses quatre roues, comme un tigre sur ses quatre griffes, et se remettait à courir sur l'homme. Lui, souple, agile, adroit, se tordait comme une couleuvre sous tous ses mouvements de foudre. Il évitait les rencontres, mais les coups auxquels il se dérobait tombaient sur le navire et continuaient de le démolir. Un bout de chaîne cassée était resté accroché à la caronade. Cette chaîne s'était enroulée, on ne sait comment, dans la vis du bouton de culasse. Une extrémité de la chaîne était fixée à l'affût. L'autre, libre, tournoyait éperdument autour du canon, dont elle exagérait tous les soubresauts. La vis la tenait comme une main fermée, et cette chaîne, multipliant les coups de bélier par des coups de lanière, faisait autour du canon un tourbillon terrible, fouet de fer dans un point d'airain. Cette chaîne compliquait le combat. Pourtant, l'homme luttait. Même par instant, c'était l'homme qui attaquait le canon. Il rampait le long du bordage, sa barre et sa corde à la main, et le canon avait l'air de comprendre, et comme s'il devinait un piège, fuyait. L'homme, formidable, le poursuivait. De telles choses ne peuvent durer longtemps. Le canon sembla se dire tout à coup. « Allons, il faut en finir !» Et il s'arrêta. On sentit l'approche du dénouement. Le canon, comme en suspens, semblait avoir ou avait, car pour tous, c'était un être, une préméditation féroce. Brusquement, il se précipita sur le canonnier. Le canonnier se rangea de côté, le laissa passer et lui cria en riant « À refaire !» Le canon, comme furieux, brisa une caronade à bâbord. Puis, ressaisi par la fronde invisible qui le tenait, il s'élança à tribord sur l'homme qui échappa. Trois caronades s'effondrèrent sous la poussée du canon. Alors, comme aveugle et ne sachant plus ce qu'il faisait, il tourna le dos à l'homme, roula de l'arrière à l'avant, détraqua l'étrave et alla faire une brèche à la muraille de proue. L'homme s'était réfugié au pied de l'escalier, à quelques pas du vieillard témoin. Le canonnier tenait sa barre d'anspect en arrêt. Le canon parut l'apercevoir et, sans prendre la peine de se retourner, recula sur l'homme avec une promptitude de coups de hache. L'homme, acculé au bordage, était perdu. Tout l'équipage poussa un cri. Mais le vieux passager, jusqu'alors immobile, s'était élancé, lui-même plus rapide que toutes ses rapidités farouches. Il avait saisi un ballot de foissigna, et au risque d'être écrasé, il avait réussi à le jeter entre les roues de la caronade. Ce mouvement, décisif et périlleux, n'eût pas été exécuté avec plus de justesse et de précision par un homme rompu à tous les exercices décrits dans le livre de Durocel sur la manœuvre du canon de mer. Le ballon fit l'effet d'un tampon. Un caillou enraye un bloc, une branche d'arbre détourne une avalanche. La caronade trébucha. Le canonnier, à son tour, saisissant ce joint redoutable, plongea sa barre de fer entre les rayons d'une des roues d'arrière. Le canon s'arrêta. Il penchait. L'homme, d'un mouvement de levier imprimé à la barre, le fit basculer. La lourde masse se renversa, avec le bruit d'une cloche qui s'écroule, et l'homme, se remuant un corps perdu, ruisselant de sueur, passa le nœud coulant de la drosse au cou de bronze du monstre terrassé. C'était fini. L'homme avait vaincu. La fourmi avait eu raison du mastodonte. Le pygmée avait fait le tonnerre prisonnier. Les soldats et les marins battirent des mains. Tout l'équipage se précipita avec des câbles et des chaînes. Et, en un instant, le canon fut amarré. Le canonnier salua le passager. « Monsieur, lui dit-il, vous m'avez sauvé la vie. » Le vieillard avait repris son attitude impassible et ne répondit pas. Fin de la section 2.